Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 2 mai. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'une nouvelle, une triste nouvelle dans le monde du golf qui peut avoir des répercussions majeures sur l'avenir de trois golfeurs du Haut-du-Lac et de Kevin Fortin-Simard, Pierre-Alexandre Bédard et Lucas Dupéré. Le circuit canadien Pro Tour, dont les trois golfeurs ont joué l'an dernier, cesse ses activités. Le responsable Jean Trudeau a mentionné qu'il cessait ses activités en raison de problèmes de santé. Évidemment, ça va laisser un grand vide pour les trois golfeurs. On va tenter de rejoindre l'un des trois pour en connaître davantage leur plan, voir ce qui va arriver au cours des prochaines semaines, soit Pierre-Alexandre Bédard, Lucas Dupéré ou encore Kevin Fortin-Simard. Et maintenant, la grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'ouvre ce soir à Rouyn-Noranda. Hier, dans la section entrevue, on a parlé avec Samuel Harvey, le gardien but des Huskies de Rouyn-Noranda. Et dans un premier temps, Samuel Harvey mentionne que on s'attend à une excellente série. Oui, vraiment. C'est comme ça que je le vois également. C'est deux très bonnes équipes qui vont s'affronter en finale. Halifax ont eu une belle année. Ils viennent de battre Drummondville, qui était une des meilleures équipes également. Donc, ils arrivent vraiment à gonfler à bloc là, pour jouer contre nous. Je m'attends à une série qui va être longue, qui va être relevée. On fait face à une excellente offensive de l'autre côté, donc ça va être très intéressant, puis on a bien hâte que ça commence. Le fait que les deux équipes sont assurées de la Coupe Memorial ne baisse en rien le niveau de motivation des Huskies, explique Samuel Harvey. Samuel Harvey pense que les Huskies ont plus de profondeur qu'en 2015-2016, où ils s'étaient rendus à la Coupe Memorial. Ils ont plus de profondeur devant le filet, explique le gardien de but originaire d'Allemagne. Regarde, c'est sûr qu'il y a beaucoup de comparaisons avec l'édition 2015-2016 lorsqu'on a gagné la Coupe du Président. Puis je pense que chacun a son point de vue, là, mais de mon côté, on a peut-être un petit peu plus de profondeur. Là, juste si on regarde dans les filets, Chase Marchand a fait un job incroyable, sauf si on regarde mon second présentement et moi dans ce temps-là, quand j'étais le second à Chase Marchand, je pense que Zachary Aymon est meilleur que moi, j'étais. Dans le filon, on a plus de profondeur selon moi, puis en défensive et en attaque, ça se ressemble. Puis pour nous autres, notre but justement, c'est de pouvoir gagner la Coupe du Président et pouvoir vraiment se comparer à cette édition-là. Plusieurs joueurs des Saguenay de Scutimi ont obtenu de bonnes notes. Il s'agit de cinq joueurs qui se sont mérités une bourse de 3 300 $ qui se sont partagés pour leur excellence dans les résultats académiques. Et de ces cinq joueurs, Jérémy Fortin fait partie de ces joueurs. Donc, ils ont réussi un taux de 95%, ce qui est une des meilleures notes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les autres joueurs des Saguenay qui se sont mérités cette bourse, il y a Jérémy Diode, Alexis Schenk, également Louis Crevier, qui mérite également cette bourse. Et le tournoi de golf des Saguenay de Chicoutimi aura lieu le 26 août prochain. Et c'est sous la présidence de l'ancien joueur des Nordiques de Québec, Alain Côté. Alain Côté qui a joué avec les Saguenay de 1974 à 1977. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Patrick Carpentier. C'était hier les 25e anniversaire du décès d'Ayrton Senna. On s'est également entretenu avec Joe Hardy, où on fait le bilan également des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Sport local et régional, à danradiosport.com.